La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Edith Wharton est née à New York en 1862, à l'époque où cette ville était parfaitement horizontale, avec ses maisons basses et ses quelques manoirs perdus dans les espaces presque vides autour du rectangle de Central Park. Son enfance a été voyageuse, elle passera toute sa vie avec un pied de chaque côté de l'Atlantique et vivra de longues années en France qui sera son pays de cœur. Son histoire, c'est Jean Pavant qui nous l'a racontée au cours d'une émission que vous pouvez bien sûr télécharger depuis notre site, c'était lundi dernier. Les grands thèmes de son œuvre, nous les avons parcourus hier avec Anne Ulmo. Elle nous a parlé de ses personnages solitaires, mais également de la civilisation déclinante des bourgeois américains de la belle époque dans un New York aux mœurs encore coloniales. Enfin, demain, avec Maxime Rovert, nous parlerons philosophie, voyage et érotisme à travers trois petits livres d'Edith Wharton qu'il a traduit et édité, La plénitude de la vie, Paysages italiens, ainsi que Béatrice Palmato, tous trois dans la collection de poche des éditions Rivage. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, deux traductrices de Wharton pour parler de deux romans importants de l'écrivaine. En seconde partie, nous serons avec Sarah Foss qui fait paraître aux belles lettres une nouvelle traduction du roman que l'on connaissait sous le titre Le temps de l'innocence et qu'elle traduit, elle, par l'âge de l'innocence. Mais en première partie, nous sommes avec Julie Wolkenstein, professeure de littérature comparée à l'université de Caen. Également romancière, elle a publié chez POL Les Vacances, roman qui lui a valu le prix des deux magots en 2018. Et elle vient nous parler du roman d'Edith Wharton qu'elle a traduit pour POL, Ethan Frome, dont voici pour commencer un extrait dans la voix de Vanda Bénès. Elle attendit qu'il s'asseye, les jambes croisées à l'avant de la luge, puis elle se pelotonna rapidement contre son dos et referma ses bras autour de lui. Son souffle dans son cou le fit de nouveau frissonner et il faillit bondir de son siège. Mais dans un éclair, il se rappela l'alternative. Elle avait raison. Ça valait mieux que d'être séparés. Il se renversa en arrière et attira la bouche de Mathie contre la sienne. Lorsqu'ils volèrent droit sur l'arbre, Mathie l'enlaça plus étroitement et il crut sentir le sang de la jeune fille courir dans ses propres veines. Une ou deux fois, la luge oscilla légèrement sous eux. Il inclina un peu le buste pour rester bien dans l'axe de l'orme, se répétant encore et encore « Je sais qu'on peut la voir ». Et les petites phrases qu'elle lui avait dites se bousculaient dans sa tête et dansaient devant lui dans l'air. Le grand arbre se fit menaçant, plus grand, plus proche. Et lorsqu'ils foncèrent droit dessus, il se dit « Il nous attend, on dirait qu'il sait ». Mais soudain, le visage de sa femme, monstrueusement distordu, s'interposa entre lui et son but, et il fit un mouvement instinctif pour le repousser. La luge, en réaction, fit une embardée, mais il la redressa, la maintint dans l'axe et se jeta sur la masse noire et saillante. Il y eut un dernier instant où l'air le cingla comme des millions de fils de fer, puis l'orme. La scène capitale d'Ethan Frome où les deux amoureux se jettent sur un arbre en luge parce qu'ils savent qu'ils vont être séparés. Bonjour Julie Wolkenstein et merci d'être avec nous. Ethan Frome, c'est un roman inclassable au sein de la production d'Edith Wharton, très spécial, qui n'a rien à voir vraiment avec ce qu'on a l'habitude de lire et ce dont on a parlé depuis le début de la semaine. Alors, rien à voir si, forcément, mais très atypique, c'est vrai, à plusieurs dans égards. Dans le milieu, en tous les cas. Voilà, le milieu, parce que c'est un petit village absolument perdu dans les montagnes du Massachusetts, un village d'ailleurs imaginaire, Starkfield, donc un milieu très pauvre très rural, mais dont les contraintes qui pèsent sur ces personnages sont tout aussi fortes que lorsqu'ils vivent dans les salons new-yorkais, atypique par son format aussi, parce que ça n'est ni une nouvelle ni un roman. Elle s'en explique, c'est aussi d'ailleurs une particularité de ce texte, c'est qu'elle a éprouvé le besoin de lui ajouter une préface une quinzaine d'années après sa première publication. C'est la seule préface qu'elle a d'ailleurs jamais faite. Et c'est une préface qui est très intéressante, où elle, en quelques pages, elle justifie notamment ce format en disant qu'après tout, comme le roman se déroule avec une grande profondeur, enfin le texte, le récit sur une grande profondeur temporelle, hein, un passé vieux de 25 ans et le présent, tout le monde lui a conseillé d'écrire un long roman. Et elle a choisi la forme courte, non pas celle de la nouvelle, parce que c'est quand même assez développé, parce qu'elle trouvait que le caractère très sommaire, très brut des personnages et de leur environnement ne justifiait pas la longueur d'un roman comme elle a pu en écrire par ailleurs. Caractère très brut et très sommaire qu'on retrouve un petit peu dans le style à l'os, pourrait-on dire, une certaine sécheresse tout de même dans la caractérisation des personnages et puis dans l'écriture elle-même. Vous diriez ça, vous qui avez traduit ce texte? Alors comme je n'ai traduit que celui-là, je ne peux pas vraiment comparer avec les autres, mais ça aussi, elle s'en explique très je trouve de manière très convaincante, en disant qu'elle a une très belle formule. Elle dit qu'elle veut peindre la Nouvelle-Angleterre, qu'elle décrit d'ailleurs finalement assez peu ses paysages, parce que les personnages eux-mêmes qui y vivent n'en ont pas forcément conscience de cet environnement, ils y sont trop habitués. Donc elle dit qu'elle veut décrire les affleurements de granit de ce paysage et que ces personnages eux-mêmes sont semblables à cette roche, encore à moitié enfoncée dans la neige et presque aussi peu expressif. C'est-à-dire, ce sont des taiseux, hein, tous ces personnages, enfin en tout cas Isan From, que rencontre le narrateur. Donc elle essaye de restituer le caractère très, ignorant et peu bavard de ces personnages, mais à travers tout de même un narrateur qui lui, comme souvent dans ce genre de récit, vient de la ville, vient d'ailleurs, et superpose à ce silence et à ce manque d'expérience son propre point de vue. Donc lui va avoir tendance à mettre des mots, et c'est ce qu'elle lui fait faire, hein, c'est ce qu'elle fait elle-même, mettre des mots sur ces silences et sur cette incapacité à exprimer les sentiments très très forts qu'ils éprouvent. Alors est-ce qu'il faut, je reviens à ma première idée, lire ce livre en regard avec les livres new-yorkais, les livres sur la haute bourgeoisie? Vous avez dit tout à l'heure que finalement on retrouve l'idée de la contrainte sociale dans Isan From comme dans ses autres romans, mais tout de même si elle a choisi ce milieu-là, milieu pauvre, ce village perdu finalement dans la campagne, dans la cambrousse même pourrait-on dire, c'est sûrement pas pour rien. Est-ce que vous avez une hypothèse sur la volonté de décentrement peut-être par rapport à elle-même, par rapport à son milieu qu'a pu éprouver à ce moment-là Edith Wharton, Julie Wolkenstein? De la campagne, de la montagne aussi, parce qu'en fait c'est un climat, c'était non seulement une région très reculée, mais c'est un climat très rude et elle a des pages magnifiques. Voilà, elle a des pages magnifiques au début où elle compare la vie dans ces villages l'hiver à une forme de siège. Elle a une image très très filée comme ça sur le climat comme un assaillant. Je pense qu'elle le dit d'ailleurs, elle-même avait déjà fait construire cette magnifique résidence en Nouvelle-Angleterre et que elle prétend que il n'y a pas encore eu de fiction qui rendre compte de cet espace, et donc elle veut donner à la Nouvelle-Angleterre, à cette Nouvelle-Angleterre rurale, son premier roman. Et alors une volonté de rupture, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, même si oui, il y a quelque chose de beaucoup plus, comme vous dites, à l'os dans ce texte, non seulement les contraintes sociales pèsent, alors celles-ci dans ce roman, ce sont les contraintes de la pauvreté aussi, enfin il y a un déterminisme social qui s'exerce de manière beaucoup plus radicale et violente, mais ce qu'on retrouve aussi, c'est un empêchement d'ordre psychologique, c'est-à-dire que très souvent les personnages de Wharton, et c'est vrai y compris lorsqu'ils auraient les moyens d'une forme d'indépendance humaine et amoureuse, n'arrivent pas à passer à l'acte. Enfin, c'est le cas par exemple dans Le Temps de l'innocence, mais il y a une forme d'empêchement qui est peut-être aussi un empêchement intérieur, et c'est le cas aussi de ces personnages. Alors cet empêchement, à première lecture, on a tendance à le mettre entièrement sur le compte de leur environnement, mais au fond il y a une difficulté à identifier ses propres sentiments, ses propres désirs, qui est, me semble le fait de beaucoup de ces personnages, encore une fois, quel que soit le milieu dans lequel ils se trouvent. Pour cela, ça finit de manière peut-être encore plus tragique, c'est-à-dire que le passage qu'on vient d'entendre, qui raconte la fin, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'elle est contenue quasiment dans les premières pages, on en ignore simplement les détails. Il y a quelque chose d'encore beaucoup plus radical et violent dans la fin qui est donnée à leurs aventures. Alors quand vous dites que c'est en effet un roman social, aussi, il faut du coup l'expliquer en parlant du personnage de Isan From, qui est un personnage de jeune homme pauvre, en tous les cas au début du récit, qui aime les livres, qui rêve de voyage et qui va commencer des études mais sans pouvoir les finir. Et ça, c'est tout de même important dans l'histoire. Oui, de jeune homme pauvre au début du récit et plus jeune, mais toujours aussi pauvre, même encore plus à la fin. Oui, c'est un personnage dont aussi le tragique vient de ce qu'il a eu d'autres aspirations. Lorsqu'il est jeune, ses parents, la ferme se porte encore assez bien, ou du moins assez bien pour qu'il entreprenne des études de sciences. Et il a entreaperçu un univers différent, un univers intellectuel d'une part, et d'autre part un espace aussi autre, puisqu'il a eu l'occasion une fois de quitter cette région, non seulement pour poursuivre des cours, mais aussi parce qu'il a été envoyé une fois en Floride. Et il a donc découvert ce que pouvait être un pays ensoleillé et clément. Et donc, c'est un moment très fugace de sa jeunesse. Quelque chose s'est entrouvert et s'est aussitôt refermé, mais qu'il continue de porter en lui et qu'il va en quelque sorte rêver de poursuivre par la relation amoureuse, amoureuse très platonique, presque jusqu'à la scène dont on a entendu la lecture tout à l'heure, avec une jeune cousine avec qui il a l'impression de pouvoir partager justement cette ébauche de connaissances et de perceptions d'autres mondes, à la fois d'ailleurs scientifiques et esthétiques, parce que c'est quelqu'un qui a aussi un sentiment de la nature qui repose sur une admiration, une fascination pour le paysage. Alors pour poursuivre ce portrait de Ihsahn Foum, on va écouter un extrait des premières pages du roman. Je tiens cette histoire de plusieurs sources, qui m'en ont chacune raconté un fragment, et comme il arrive généralement dans ces cas-là, c'était chaque fois une histoire différente. Si vous connaissez Starkfield, Massachusetts, vous connaissez le bureau de poste. Si vous connaissez le bureau de poste, vous avez sûrement vu Ethan Frome y arriver dans son buggy, lâcher les rênes sur l'échine tordue de son cheval B et traverser en se traînant le trottoir de briques jusqu'à la colonnade blanche. Et vous avez sûrement cherché à savoir qui il était. C'est là que, il y a plusieurs années, je l'ai vu pour la première fois. Et en le voyant, je me suis arrêtée brutalement. Même à cette époque, il demeurait le personnage le plus frappant de Starkfield, bien qu'il ne fût plus qu'un homme brisé. Ce n'était pas tant sa haute taille qu'on remarquait, car les autochtones se distinguaient sans mal avec leurs longues et maigres silhouettes des spécimens étrangers plus trapus. C'était l'air à la fois détaché et imposant qu'il avait, bien qu'affligé d'un boitement qui entravait chacun de ses pas, saccadé comme s'il avait les pieds enchaînés. Il y avait dans son expression quelque chose d'austère et d'impénétrable, et il était si raide et si gris que je le pris pour un vieillard et fus surpris d'entendre qu'il n'avait que 52 ans. Alors c'est un peu un roman comme vous les aimez, Julie Wolkenstein, qui se présente comme une sorte de récit d'enquête avec un narrateur qui veut en savoir plus donc sur cet homme de Starkfield qui est très mystérieux, et son mystère qui s'élucide au fur et à mesure de l'avancée du roman crée une atmosphère très particulière au début. C'est en effet une enquête. Quand vous dites que le mystère s'élucide, après tout, c'est l'interprétation de cet étranger et qui a observé des choses, entendu des choses que nous découvrons. Et à certains moments, il rencontre de pensées intimes d'Ihsahn Frome. On ne peut pas imaginer un instant qu'Ihsahn Frome lui ait confié. Donc il y a peut-être une part aussi de projection de sa part. Et c'est un dispositif narratif assez rare aussi dans l'œuvre de Wharton, puisqu'effectivement, il y a plusieurs points de vue contenus dans le récit, le compte-rendu qu'en donne ce narrateur. Et je pense aussi, quand vous dites que c'est le genre de récit que j'aime, ça n'est pas un hasard si je l'ai traduit et que j'ai traduit aussi Gatsby. Je vois beaucoup de points communs entre ces deux textes. Je ne crois pas d'ailleurs que Fitzgerald et Wharton se soient beaucoup appréciés. Je crois qu'il y a le récit d'un dîner une fois entre eux à Paris où Fitzgerald était bourré, Wharton ne l'avait pas trouvé très Fitzgerald, sortable. C'est presque un nouveau riche, comme elle les décrit, sans beaucoup d'aménité. Oui, enfin, qu'il y a quand même un sentiment de déclassement, mais d'appartenance à une vieille famille du Sud et qui décrit lui aussi très bien cette aristocratie de la côte Est. Donc il y avait des points communs évidents. Je crois que la rencontre n'a rien donné. Mais je trouve qu'il y a beaucoup entre Gatsby et Ihsahn Frome, on pourrait les comparer, et notamment dans cette position d'un narrateur qui est fasciné par un personnage au début dont il ignore tout, et comme Nick avec Gatsby, et qui va peu à peu, lui aussi, dans Gatsby, avec d'autres points de vue qui lui sont rapportés, ce par exemple de Jordan ou ou d'autres dans le roman de Fitzgerald, qui va peu à peu reconstituer et donc interpréter et arranger cette histoire dans laquelle il voit un comble de romanesque. Donc il y a pas mal d'échos, je trouve. Bon, Ethan Frome est antérieur et je ne crois pas du tout que Fitzgerald ait jamais cité Wharton comme un modèle. Mais je trouve que, enfin, d'un point de vue aujourd'hui de l'actrice qui assume les comparaisons qu'elle, qu'elle fait, il y a des choses vraiment communes. Est-ce que le personnage de Mattie, donc cette jeune fille fraîche, si joyeuse, comparée surtout à la femme de Ethan Frome, est-ce que ce personnage-là, ça n'est pas un fantasme, une invention de Ethan Frome? Est-ce que même leur amour existe réellement? Et ce suicide final qu'on a entendu en début d'émission, quelle est également, selon vous, sa véracité? Alors, l'une des sources sur laquelle s'appuie le narrateur, c'est une femme qui est désormais âgée, puisque le drame s'est produit 25 ans avant que l'étranger n'en prenne connaissance, ce narrateur. L'un de ses témoins, l'une de ses sources, était une amie de Mattie et a recueilli ses confidences. Là, on est en train de tout spoiler, mais disons que elle a recueilli ses confidences à un moment crucial de l'intrigue. Donc, on peut supposer que il y a une part de la psychologie des sentiments de Mattie à laquelle le narrateur a eu un accès direct. Je pense qu'il y a quelque chose, enfin, moi, qui me touche énormément dans le texte. Effectivement, on peut estimer que tout ça c'est de l'interprétation, mais qui est quand même quelque chose qui relève de l'émerveillement adolescent, mais d'un émerveillement adolescent qu'on peut sans doute ressentir tout au long de sa vie quand on est très amoureux, et que formule Ethan dans les toutes dernières pages du livre. Il dit au fond, voilà, ça va très mal se terminer, mais au moins il a eu l'occasion de découvrir que ce qu'il a ressenti lui, Mattie l'a ressenti aussi. C'est-à-dire cette découverte extraordinaire que, voilà, ses propres nuits d'insomnie et ses rêves de sentimentaux à l'égard de sa petite cousine étaient partagés. Et que le simple fait de le savoir, même s'il n'y a pas d'avenir possible, c'est une forme de consolation. Elle l'a ressenti aussi. Bon, je rassure quand même nos auditeurs, quand on a raconté la scène de l'arbre, on n'a pas tout raconté. Parce que c'est pire que ce encore, que vous croyez. Voilà, il existe encore une suite à cela. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire sociale, c'est une histoire sur le langage aussi, c'est-à-dire la difficulté à parler, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez en début d'émission sur la manière dont on connaît mal son désir, et même quand on le connaît, on a du mal à l'exprimer. On a du mal à parler dans Ethan Frome. Oui, et le narrateur est là pour combler ses lacunes. Il le dit très joliment dans les toutes dernières pages, enfin peu de temps avant la fin, lorsque les deux personnages se touchent enfin, parce que vous avez déjà un peu abordé la question de l'érotisme chez Wharton dans les précédentes émissions. C'est un érotisme très suggéré, en tout cas dans ces textes-là, même si, paraît-il, il y a aussi un texte érotique dont vous allez parler dès demain. Je vais vous écouter avec passion. Mais donc c'est la première fois où ils se touchent réellement, mais c'est vraiment très, très peu de choses et très peu de temps avant la catastrophe. Et là, il lui passe la main dans les cheveux, nous raconte toujours ce narrateur qui n'a pas assisté à la scène, et le texte nous dit qu'il a envie de lui dire que ses cheveux, qui est la sensation qu'il éprouve, ressemblent à de la mousse, à la mousse qu'il y a sur les arbres, parce que tous ces points de comparaison effectivement sont tirés de son expérience, qui est une expérience de la montagne, de ce paysage. Et le narrateur ajoute, mais on ne lui avait jamais appris à dire ces mots-là, c'est-à-dire que ce moment très intense, physique, où il pourrait lui faire cette déclaration que ses cheveux ressemblent à de la mousse, eh bien, il ne le dit pas parce qu'il n'a pas les mots pour cela, il n'est pas équipé. Est-ce que vous diriez, Julie Wolkenstein, que c'est un récit romantique ou au contraire un récit qui, sans condamner, montre les limites de l'amour quand il est un amour romantique finalement? Est-ce qu'on ne se fracasse pas un petit peu sur la réalité, sur ce qui fait la vie au quotidien, dans toute sa difficulté? Est-ce que ça ne revient pas à dire que rêver d'une histoire d'amour, c'est au fond se tromper? Je ne sais pas. Romantisme, bon, peut-être parce que ça, on l'a dit, donc je peux le redire, parce qu'il y a cette idée du suicide commun, qui est quelque chose que, d'ailleurs, quelques grands poètes romantiques ont pratiqué, hein. C'était pas seulement littéraire. J'ai d'ailleurs un peu enquêté quand j'ai traduit le livre, c'est que c'est un aspect du roman qui est extrêmement traité à l'université ou au collège. Enfin, c'est un texte qui est beaucoup étudié dans le milieu anglo-saxon. Et le sujet, c'est vraiment ça. Que penser du suicide à deux? Donc ça a quelque chose de très romantique. Suicide sur une luge, c'est quand même formidable. Suicide sur une luge. Alors, c'est un fait divers, hein, qui est à l'origine de ce, l'idée de ce récit, fait divers, c'était un accident. C'était, je crois pas du tout ça, mais enfin, c'était un accident de luge. Et donc, il y a ce romantisme dans la situation, dans l'événement. Mais il me semble que pour parler de romantisme, il faut que les personnages, précisément, aient accès à un langage et accès à un univers artistique et esthétique dont les personnages des Ashfram sont totalement dépourvus. Et c'est ça aussi, peut-être, qui fait la force du texte, c'est qu'il n'y a rien de mièvre ou d'idéaliste. Il y a au contraire des sentiments très forts qui existent et une réalité autour qui est très forte elle aussi, très oppressante et qui les empêche de vivre ces sentiments. Merci beaucoup Julie Wolkenstein. Je rappelle que vous êtes professeure de littérature comparée à l'université de Caen, que vous avez donc traduit Ethan Frome pour les éditions POL en 2014. Votre dernier roman s'appelle Les Vacances, il est disponible chez POL depuis 2017. Tout de suite la chronique d'Alexis Broca. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire, bonjour à vous. Bonjour Mathieu, bonjour Julie. Aujourd'hui vous venez nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Et oui. Et qui est aussi le sujet de votre éditorial dans le Nouveau Magazine Littéraire, c'est la comparaison entre Le Seigneur des Anneaux et la série Le Trône de Fer. Voilà, c'est effectivement un sujet qui me tient à cœur et qui me hérisse souvent. Ah. Parce que voilà, alors que la série télévisée Le Trône de Fer touche à sa fin, tandis que la série littéraire qui l'a inspirée reste en race campagne, eh bien on nous ressort en effet ces vieilles comparaisons entre l'Américain G.R.R. Martin, le père du Trône de Fer, et l'auteur du Seigneur des Anneaux, Tolkien, qui est celui qui a inventé la littérature de fantasy. J.R.R. aussi, enfin voilà, c'est presque Tolkien. Pareil. Voilà, Tolkien. Ça a été choisi exprès d'ailleurs pour Martin. Mais c'est toujours la même ancienne, en tout cas cette comparaison. On nous explique que Tolkien, avec son camp du bien et son camp du mal, eh ben, il souffrirait d'un grave déficit en réalisme. Quand le Trône de Fer, avec ses intrigues machiavéliques et ses personnages à la moralité changeante, eh bien, satisferait notre besoin de crédibilité. Et d'ailleurs, Gérard Martin, qui est lui-même un lecteur et un admirateur de Tolkien, a entretenu la comparaison en pointant le manichéisme du Seigneur des Anneaux. Et son attaque, en fait, prend la forme d'une question. Une de ces questions que se posent les romanciers lorsqu'ils travaillent. Là, c'est une question qui est adressée à Tolkien. Mais que font les méchants du camp de Sauron lorsqu'ils ne sont pas occupés à défendre la cause du mal? Et on se demande. Voilà. Et que fait Sauron quand il retire son armure noire? Son pyjama noir, j'ai écrit d'ailleurs, oui. Ou qu'il n'apparaît pas sous la forme de l'œil qui voit tout sur la terre du milieu. Bah, c'est une bonne question. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut la retourner à Gérard Martin et lui demander à quoi s'occupent ces fameux marcheurs blancs lorsqu'ils n'ont pas de vivants à affronter? Et à quoi ressemble la vie quotidienne des morts-vivants qu'ils fabriquent dans les immensités glacées du Nord? Bref, pour moi, comparer le Trône de Fer au Seigneur des Anneaux est en fait un contresens. Tolkien n'a jamais voulu produire une œuvre réaliste. Tolkien était philologue, il était aussi profondément croyant, et il voulait, entre autres, créer ce qui apparaîtrait comme une mythologie pré-chrétienne. Et de là, le bien, le mal et le salut du monde comme enjeu. Et ce faisant, il a inventé un genre, la littérature de fantasy, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, qui incitait ses continuateurs à reproduire le même combat manichéen, jusqu'à ce qu'en effet, Martin refertilise cette littérature médiévale fantastique en y injectant du réalisme. Mais dès lors, utiliser Martin pour dévaluer Tolkien n'a pas grand intérêt. Pour moi, Tolkien est indubitablement un grand écrivain, l'inventeur d'une nouvelle forme de littérature, d'une mythologie qui appartient aujourd'hui à l'imaginaire collectif. Il suffit de voir les nombreuses figures d'orques, d'elfes, etc., qui sont déclinées dans toutes les formes de la culture populaire. Et pour moi, Martin est lui aussi un créateur d'une fécondité exceptionnelle, mais dont les livres alternent entre l'excellence et le franchement bâclé. Mais bon, c'est Tolkien qui a ouvert le chemin et c'est Martin qui a suivi. Ce qui est intéressant aussi, Alexis, c'est que ces auteurs, ils peuvent finalement être opposés presque point par point. Oui, c'est assez amusant lorsqu'on regarde de près. Ben, on voit que si Tolkien était très chrétien, Martin, lui, il est très athée. Tolkien a tout fait pour devenir universitaire et philologue. Il était orphelin et il a beaucoup travaillé. Il a eu des séries de bourses qui l'ont amené comme ça à une chaire à l'université. Martin, lui, est autodidacte et sitôt sitôt son lycée terminé, il s'est mis à écrire. Martin a toujours voulu faire fortune grâce à sa prose. Il a commencé au lycée, il vendait des petites nouvelles à ses camarades. Tolkien, lui, en fait, n'a jamais voulu devenir romancier à l'origine. Il voulait devenir philologue et surtout, il voulait créer un monde fictif et le décrire exhaustivement. Et en fait, Bilbo le Hobbit, au départ, n'était qu'une histoire qu'il racontait à ses enfants, une histoire dont il tirait les éléments de son monde inventé. Et puis surtout, le plus important, ce qui les différencie vraiment, c'est que Tolkien n'improvisait rien. Le monde qu'explorent les personnages de Bilbo et du Seigneur des Anneaux, ce monde-là, il est déjà très largement construit lorsqu'il commence à écrire. Il a construit l'histoire, il a construit la géographie, il a même établi une héraldique des principales maisons. Martin, lui, il invente son trône de fer et le monde du trône de fer au fur et à mesure qu'il raconte les aventures de ce personnage. En somme, il applique exactement la même méthode d'écriture que le vieil ami de Tolkien, C.S. Lewis, qui est l'inventeur des chroniques de Narnia. D'ailleurs, Tolkien reprochait beaucoup à C.S. Lewis ce qu'il appelait son manque de sérieux. C'est-à-dire le fait qu'il ne préparait pas, le monde dans lequel les aventures qu'il mettrait en scène allaient advenir. Bref, pour moi, le génie de Tolkien s'inscrit dans la durée. C'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que le génie de Martin, lui, est plus proche de celui du feuilletoniste qui fait proliférer sa création au jour le jour, sans plan préétabli. Toutefois, ils ont un point commun, c'est leur difficulté à arriver au bout. Tolkien n'a jamais pu terminer le Silmarillion, qu'il avait entamé dès ses 19 ans. La tâche de construire ce monde fictif, de le décrire exhaustivement, s'est révélée impossible. Et Martin, lui, reporte depuis 2011 l'apparition du prochain trône de fer. Son intrigue a tellement proliféré qu'aujourd'hui, il me tenir tous les fils de ses intrigues de concert est proprement surhumain. Merci beaucoup Alexis Broca. On retrouve votre signature dans le nouveau magazine littéraire. À très bientôt. Start spreading the news. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez et vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes à présent avec Sarah Fosse qui fait paraître aux belles lettres une nouvelle traduction du roman que l'on connaissait sous le titre Le Temps de l'Innocence et qu'elle a traduit, elle, par L'Âge de l'Innocence. On écoute sans plus tarder un premier extrait de ce livre. Il était certaines choses qu'il fallait faire et faire sans marchander. Et parmi celles-ci, dans le code du vieux New York, figurait le ralliement tribal autour d'un membre qu'on allait éliminer du clan. Maintenant que son départ pour l'Europe était certain, les Welland et les Mingott eussent été prêts à tout pour prouver leur inébranlable affection à l'égard de la comtesse Olenska, et Archer, qui présidait au dîner, s'émerveillait du silence industrieux et infatigable avec lequel on avait entrepris de restaurer sa popularité, de faire taire les griefs à son encontre, d'absoudre son passé et de la baigner tout entière dans le rayonnement de l'approbation familiale. Rien n'étonnait davantage Archer, qui semblait assister à la scène dans un état d'étrange détachement, comme s'il eût flotté entre lustre et plafond, que le rôle qu'il y jouait. Tandis que son regard évoluait de l'un à l'autre de ces visages placides et bien nourris, il voyait dans tous ses invités à l'air inoffensif, occupés à déguster les canards de mai, une bande de conspirateurs muets qu'il avait placés, lui et la pâle jeune femme assise à sa droite, au centre de leur complot. Par Vanda Bénès pour cet extrait où le personnage de Archer sent l'invisible pression sociale le juger, lui, et la comtesse Olenska. Bonjour Sarah Fosse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez donc de proposer une nouvelle traduction de ce roman qui a valu à Edith Wharton le prix Pulitzer en 1921. C'était la première fois qu'une femme obtenait ce prestigieux prix. Tout à fait. Et alors, elle le reçoit à l'âge de 59 ans. Elle avait déjà écrit de nombreux livres. Il lui a fallu s'expatrier à Paris, attendre la soixantaine jusqu'à connaître cette consécration. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, en France, comme aux États-Unis, elle est reconnue à sa juste valeur? J'ai l'impression qu'en France, elle est encore un petit peu méconnue. Aux États-Unis, je ne sais pas. J'ai pas tellement de recul là-dessus. Mais en France, j'ai l'impression qu'elle est quand même encore un petit peu méconnue et qu'elle est peut-être pas encore complètement sortie de l'ombre de Henry James, qu'on considère généralement comme son mentor. Donc c'est vrai que c'est un auteur qui est quand même présent hein, dans les collections des maisons d'édition, mais qui a été finalement assez peu retraduit. C'est aussi pour ça qu'il y avait le projet de la retraduire et qui n'est pas forcément mis tout à fait, me semble-t-il, sur le même plan que d'autres, même si elle avait été quand même un peu ressortie de l'oubli dans les années 80-90, notamment par Jean-Claude Gilberstein, qui a été directeur de collection dans plusieurs maisons d'édition et qui à chaque fois a republié des titres d'Edith Wharton. Et puis le film de Scorsese aussi, qui a, voilà, sans doute qui a quand même contribué à la... Certains la comparent à Marcel Proust. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est un peu trop? Alors, moi, c'est une comparaison que je fais dans la préface que j'ai rédigée pour plusieurs aspects. Bon, d'abord pour le milieu qu'elle dépeint, bien sûr, puisqu'il y a quand même des affinités entre cette grande bourgeoisie new-yorkaise, bostonienne, très très codée, et puis le milieu du faubourg Saint-Germain proustien. Et puis aussi, me semble-t-il, dans ce roman-là, The Age of Innocence, c'est particulièrement pertinent la comparaison parce que il me semble que le temps est quand même un élément qui est au centre de ce livre. Elle est à la recherche d'un temps perdu, elle aussi? Je pense qu'elle est un peu à la recherche d'un temps perdu, et que même si Edith Wharton est une écrivaine, une autrice très classique dans ses procédés formels, plus classique sans doute que Proust, même si Proust a aussi une dimension classique assez balzacienne, etc., dans ce roman, au moins, me semble-t-il, elle se pose vraiment la question du temps, du passage du temps, et c'est un roman qui est extrêmement mélancolique, qui est vraiment marqué par cette empreinte, et c'est une thématique qui est vraiment la thématique qui émerge au début du XXe siècle et qui est reprise par des auteurs comme Woolf, etc. C'est vrai qu'on a tendance à oublier aussi que ce roman a été écrit juste après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un roman qui est tellement belle époque, qu'on n'imagine pas qu'il a été écrit après la grande tragédie, et pourtant il semblerait que la guerre, même si elle n'est pas mentionnée évidemment, ce serait anachronique, soit présente dans l'atmosphère de ce roman parce que Edith Wharton l'a ressenti, quoique de loin, mais enfin tout de même. Il y a une atmosphère de fin de monde, en fait, et je pense que cette mélancolie et cette atmosphère de fin de monde qu'elle a su si bien transcrire dans ce livre vient du fait qu'elle écrit justement ce livre à partir de 18 ou 19, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle se met à rédiger The Age of Innocence, mais c'est juste après la guerre, et qu'elle est parfaitement consciente que c'est terminé ce monde qu'elle décrit et qui est celui de son enfance. Donc, parce que là, elle revient quand même jusqu'en 1870, c'est-à-dire une époque où elle avait une dizaine d'années, en gros, Edith Wharton. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle évoque de façon très explicite dans Les chemins parcourus, son autobiographie. Elle a cette citation j'avais de plus en plus conscience que le monde dans lequel j'étais née et qui m'avait formée était mort en 1914. Donc elle a vraiment conscience de cette rupture qui s'est faite avec la guerre. Et je crois que le livre porte vraiment ça. C'est un petit peu pour ça que vous avez préféré changer le titre pour l'âge de l'innocence, parce que cet âge de l'innocence, c'est à la fois les années de la jeunesse, des jeunes personnages qui sont, pour certains d'entre eux, on va le voir, encore innocents. Mais l'âge de l'innocence, c'est peut-être aussi l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire non pas l'entre-première et deuxième guerre mondiale, mais l'entre-guerre de sécession américaine et la première guerre mondiale. C'est aussi la belle époque américaine. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment, je crois, aussi cette guerre de sécession. Ça, c'est assez mystérieux quand même de se dire que pour un livre qui se passe en 1870, il n'y a aucune allusion à la guerre de sécession. Donc omission finalement suspecte un petit peu d'une certaine manière. Et je crois vraiment qu'en creux, il y a une signification du livre qui émerge quand on place ces deux bornes, la guerre de 14 d'un côté, la guerre de sécession juste avant, et qu'on comprend qu'elle décrit une espèce de parenthèse enchantée, mais qui est condamnée en fait, qui n'est qu'un moment assez déterminé comme ça et condamné. Et puis le titre, le choix du titre, c'était aussi une référence au tableau de Reynolds, qui est en couverture d'ailleurs de la nouvelle édition. C'est un petit enfant. Voilà, qui est une petite fille de 5 ans environ, tableau qui a été connu sous le titre The Age of Innocence. Mm-hmm. C'est pas son titre de départ. Enfin, je crois que Reynolds avait simplement intitulé ça A Little Girl, mais ça a été connu ensuite et largement diffusé. Et il est évident qu'Edith Wharton connaît Reynolds. Hein, de toute façon, c'est un peintre qu'elle cite dans un certain nombre de ses romans, dans Chez les Heureux du Monde et aussi dans The Age of Innocence. Et ce tableau-là était devenu un petit peu l'image archétypique de l'enfance à la fin du 19e siècle. Du coup, il était très très connu. Et il paraît évident que l'allusion au tableau est voulue. Et cet âge de l'innocence, cette petite fille, c'est peut-être aussi l'image d'un pays neuf, encore, qui est l'Amérique de cette époque. En tout cas, c'est une interprétation que moi je pense qui était celle d'Edith Wharton, oui. Le cas de la comtesse Olenska avait bousculé de vieilles convictions bien établies pour les faire dériver dangereusement dans son esprit. Sa propre exclamation « Les femmes devraient être libres, aussi libres que nous » touchait à la racine d'un problème dont on feignait dans son monde d'ignorer jusqu'à l'existence. Les femmes, comme il faut, si lésées qu'elles fussent, n'auraient jamais revendiqué le genre de liberté auquel il avait fait allusion. Et les hommes à la générosité chevaleresque comme lui étaient d'autant plus disposés, dans la chaleur du débat, à la leur accorder. De telles libéralités verbales n'étaient en réalité que le déguisement trompeur des conventions inexorables qui maintenaient l'unité de la société et assujettissaient les individus au vieux modèle. Alors ce roman, L'âge de l'innocence, Sarah Fosse, c'est une description très précise des méandres parcourus par les sentiments quand ils sont en butte aux injonctions sociales. On peut peut-être raconter un tout petit peu l'intrigue, dire que il y a ce personnage de Archer qui est entre deux femmes, l'une qui représente la passion et puis l'autre qui serait davantage la femme naturelle, disons, qu'il lui faudrait épouser pour convenir à son milieu social. C'est ça les deux pôles du roman. Oui, il y a May qui est vraiment l'archétype, l'idéal un petit peu féminin que lui tend la société et qui est la jeune fille pure, radieuse, innocente. C'est elle, l'âge de l'innocence, voilà, elle a 20 ans à peu près dans le roman. Oui, tout à fait, et puis elle est très ignorante, au sens où on l'a tenue dans l'ignorance, notamment des choses de l'amour et des choses sexuelles. Enfin, c'est quand même ça derrière. Et il y a de l'autre côté, Hélène Olenska, qui est la femme d'expérience, elle. Justement, qui a un passé trouble, qui a effectivement une dizaine d'années de plus, qui a l'âge d'Archer, finalement, puisque lui est un petit peu plus âgé que sa fiancée, et puis surtout qui a ce passé un peu trouble. On ne sait pas exactement. On n'en connaît pas tout à fait la nature. On sait qu'elle a été mariée avec un homme manifestement volage et peu fréquentable, enfin, qu'elle est toujours mariée d'ailleurs, et on sent que, voilà, on sent toute une expérience derrière qui intrigue, qui attire et qui fait peur en même temps. Donc la question est, faut-il divorcer pour elle de cet homme-là qui vit en Suisse, qui est resté en Europe, pour se marier peut-être avec Archer. Et de son côté, Archer se demande si il doit ne pas se marier avec la tendre May pour suivre son vrai amour, ce qu'on pourrait considérer comme étant son vrai amour, c'est-à-dire la princesse Olenska. Il y a eu plusieurs versions finalement imaginé par Edith Wharton, qui toutes n'ont pas exactement la même signification, Sarah Fosse. Oui, alors y avait plusieurs plans pour le roman, et finalement elle a arrêté son choix sur une version qui, rétrospectivement, moi, me paraît la plus intéressante, c'est-à-dire finalement un amour non consommé entre les personnages, qui finalement laisse une part aussi plus grande à l'ambiguïté. et à l'interprétation qu'on peut faire de leur relation. Mais c'est vrai qu'elle avait d'abord envisagé finalement les deux autres schémas possibles. Hein. Soit ils ont une liaison et puis cette liaison ne marche pas, enfin n'est pas concluante et ils décident de se séparer. Mmh. Soit Archer renonçait à May pour épouser Hélène. Et puis finalement, elle a pris le parti pris qui est celui du livre, qu'on ne va pas complètement dévoiler peut-être, mais voilà, qui est encore une troisième voie où leur sentiment reste quand même assez chaste, on va dire. Mmh. Mais dans les deux cas abandonnés, ne divulgâchons pas ce qui est le vrai roman, mais on peut parler des autres versions possibles, il y a toujours l'idée que l'amour finalement vécu est très décevant. Oui. Et c'est peut-être ça qu'elle a voulu éviter finalement. Oui, je pense qu'elle a voulu préserver quand même l'illusion romantique. Alors, elle est, moi, c'est pour ça que je dis qu'elle est perdue plutôt que détruite en réalité cette illusion. Voilà. Mais en même temps, je pense aussi que le choix qu'elle a fait contribue beaucoup au caractère mélancolique du roman, qui est déjà porté par toute cette thématique de monde finissant. Enfin, là, il y a vraiment un écho entre un renoncement du personnage et une fin de règne, un petit peu comme ça. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se fait écho, qui est assez beau, je trouve. C'est le roman de la perte, un peu, dans tous les domaines. Voilà, c'est le roman de la perte dans tous les domaines, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire du personnage de Archer, qui est particulièrement intéressant, finalement, même si on a l'impression que ce sont les deux femmes qui constituent le vrai centre du roman. En réalité, c'est peut-être lui, et notamment en ce sens qu'il est entre deux, c'est-à-dire qu'il appartient à son milieu, mais en même temps, il en sort aussi. On a dit en première partie au sujet d'Isan Froome avec Julie Wolkenstein que Isan Froome était aussi un peu sorti de son milieu en faisant des études, mais sans pouvoir réellement avoir un métier qui correspondait à ses études. Ben Archer, c'est un petit peu la même chose. Il fait partie de cette haute bourgeoisie, il en a les codes et en même temps, il en perçoit vraiment les limites. Et c'est ça qui le met un peu en porte-à-faux, Sarah Foss. Tout à fait. Alors ça, c'est une thématique qu'on retrouve quand même beaucoup chez Edith Wharton, parce que je pense à Chez les Heureux du Monde, où on a un petit peu aussi ce genre de schéma avec le personnage féminin qui est aussi qui jusqu'à un certain point est prisonnière de son milieu et en même temps est en porte-à-faux avec son milieu. Alors ce qui est intéressant là, c'est que Edith Wharton s'intéresse à un personnage masculin, elle focalise, enfin l'intrigue est quand même très largement focalisée sur Archer. Et Archer, après... pour moi, ce qui lui arrive, c'est véritablement à travers la rencontre avec Hélène Olenska, peut-être encore plus que la rencontre avec la passion amoureuse, c'est la rencontre avec lui-même, en réalité, qui lui arrive. C'est-à-dire qu'elle le renvoie à tout un monde en gros, on pourrait symboliser par l'Europe, la culture, etc., auquel il aspire, qui l'attire, qui a une valeur peut-être, en tout cas à ses yeux, supérieure en termes intellectuels, artistiques, etc. Elle lui en ouvre les portes et finalement il ne va pas arriver complètement à se dégager du monde dans lequel il est pris. Mais il aura cette conscience, cet éveil à minima de sa conscience en tant qu'individu et justement il prendra de plus en plus conscience des limites dans lesquelles il est enfermé. Alors mais justement... c'est assez cruel, parce que, voilà, enfin, je sais pas si c'est là où vous vouliez en venir, mais... Est-ce que c'est un personnage qui est un personnage faible ou au contraire? Est-ce qu'il arrive précisément à dépasser quelque chose? C'est un personnage qui a une lucidité plus grande et sans doute une finesse plus grande que la majeure partie des gens qui l'entourent dans la son société drame. Qui le constitue, mais finalement c'est son drame, et c'est ça qui, d'une certaine manière, le perd, parce que en même temps il n'est pas assez fort pour se libérer entièrement. Et c'est un personnage qui est assez aveugle aussi, c'est-à-dire qu'on se rend compte quand même quand on prend un petit peu le livre dans ses étapes et la construction de l'intrigue, qu'il met beaucoup de temps à comprendre ce qui lui arrive, Arthur. C'est pour ça que je parle vraiment de processus de prise de conscience progressive et que finalement, la prise de conscience véritable, elle se fait plutôt dans la deuxième partie du livre, au moment où, d'une certaine manière, il est trop tard. Est-ce que c'est une défense du conformisme? Alors, il faut être conforme à son milieu pour vivre heureux. Je pense que c'est une ambivalence profonde de Wharton qui, à la fois, est extrêmement satirique et extrêmement... lucide sur ce milieu et sur l'aliénation qu'il produit, hein, elle est vraiment quand même très dure, et en même temps qui a quand même la conscience de la valeur, de notamment morale, que pouvait incarner cette société, et Alors là, on faut peut-être mettre en regard ça avec le personnage du parvenu, qui est Beaufort, par exemple, si on a le duo entre Beaufort et Archer. Et donc, la valeur supérieure morale d'Archer est quand même liée à toute l'éducation qu'il a reçue, à tous les codes sociaux et moraux qu'il a reçus. Mais en même temps, c'est une société qui est en train de se scléroser complètement. Et finalement, l'épreuve de cet amour, enfin à mon sens, va aussi permettre à Archer de revivifier un peu cette valeur intérieure. C'est-à-dire que s'il n'avait pas sacrifié quelque chose, s'il n'avait pas renoncé à quelque chose, sa morale restait ce que moi j'ai appelé du pharisaïsme dans mon introduction, mais c'est-à-dire une morale de façade finalement. Et là, il y a un moment, il est vraiment confronté à un conflit véritable et il doit faire un choix. Après, on peut avoir les deux lectures, on peut aussi considérer que c'est purement de la faiblesse. Enfin, là où c'est intéressant, c'est qu'Edith Wharton ne tranche pas en fait. Et elle sur aucun des personnages, elle ne tranche d'ailleurs. Elle ouvre finalement les portes que vous proposez ici dans un dernier chapitre, oui, qui est un chapitre très étonnant. On va en écouter tout de suite un extrait. Il savait pourtant ce qui lui avait manqué, la fleur de la vie. Mais il y pensait maintenant comme à une chose hors d'atteinte. Lorsqu'il se souvenait de Madame Olenska, c'était d'une façon irréel, avec sérénité, comme on penserait à une bien-aimée imaginaire découverte dans un livre ou un tableau. Elle était devenue l'image de tout ce dont il avait été privé. Mais, si légère et ténue qu'eût été la vision, elle l'avait empêché de penser à d'autres femmes. Il avait été ce qu'on appelle un mari fidèle. Et quand May était morte, emportée par une pneumonie infectieuse prise au chevet de son plus jeune fils, il l'avait sincèrement pleurée. Les longues années qu'ils avaient passées ensemble lui avaient enseigné que le mariage le plus ennuyeux n'est pas une faillite tant qu'il garde la dignité d'un devoir. Archer honorait ce passé dont il portait le deuil. Après tout, il y avait du bon sens dans les anciennes traditions. La compagnie des auteurs avec cette lecture par Jean-Louis Grinfeld d'un extrait du dernier chapitre du livre. Vous dites, Sarah Fosse, que l'une des grandes forces de ce roman réside donc dans le saut brutal qu'opère ce dernier chapitre qui se passe quelques 30 ans après l'intrigue principale. Sans ce dernier chapitre, l'intérêt du livre n'est plus le même. Bah, disons que le dernier chapitre remet quand même en perspective un certain nombre de choses qu'on a pu lire avant, c'est-à-dire nous fait quand même changer de vision, particulièrement sur le personnage de May d'ailleurs, enfin, dont on découvre finalement une autre facette. Alors ça c'est intéressant parce que le personnage de May qui paraît être un peu falot, elle est jeune, elle est innocente, et puis bon, on a l'impression qu'elle comprend pas très bien ce qui se passe. En réalité, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut l'analyser. Tout à fait. On a déjà des indices d'ailleurs avant qu'en réalité elle comprend beaucoup mieux ce qui se passe qu'Arthur ne le croit et peut-être même ne le comprend lui-même à certains moments. Mais c'est vrai que le dernier chapitre là vient vraiment renforcer cette hypothèse et montrer une autre facette de May qu'on n'avait pas vue pendant le reste du roman. Et puis c'est vrai que ce chapitre qui se passe 30 ans après, on est en train de changer de monde et là ça devient extrêmement clair avec toute cette accélération un petit peu technologique qui nous est montrée. Archer qui peut le fils qui peut téléphoner à son père, ce genre de choses qui fait que là on est en train d'entrer de plein pied dans la modernité. Donc, et qui lui, deux le fils va se marier avec donc un descendant. Voilà. Beaufort, c'est ça ? Exactement. Donc ces fameux nouveaux riches reviennent tout au long du roman. Et là, on voit que la société est en train de changer. En effet, elle a changé, puisque pour le fils, il n'y a pas de difficulté à se marier avec une jeune fille de ce milieu-là. De ce milieu, tout à fait. Donc là, il y a vraiment un changement de société. Il y a beaucoup d'ironie aussi, évidemment, de la part d'Edith Wharton, parce que faire épouser au fils d'Archer la fille, en plus, née dans des conditions, c'est pas très bien, puisque c'est la fille, enfin en tout cas c'est la fille qu'il a eue avec la femme qui au départ était sa maîtresse et ensuite qu'il a épousée en seconde noce, mais on ne sait pas très bien si cet enfant est né hors mariage ou si elle est née d'une union légitime, et d'un père qui a toujours été considéré comme un personnage tout à fait douteux par la génération d'Archer. Donc on est toujours, et c'était la même chose avec Ethan Frome, avec cette idée qu'à un moment dans sa vie, on fait un choix. Et puis les livres de Wharton font le bilan un petit peu de ce choix. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, peut-être, ces 30 ans après, ces chapitres 30 ans après, que sont-ils devenus ? Que sont-ils devenus, oui. Julie Wolkenstein, peut-être vous voulez dire un mot là-dessus. Oui, en vous écoutant, je me disais qu'un des autres points communs entre ces deux textes, c'est qu'au fond, ce qui peut arriver de pire au personnage de Wharton, c'est de survivre à leur échec. Et c'est justement ce qui se passe en général. Bah, en tout cas, dans le cas de ces deux romans-là, oui. Alors, de pire pour Frome, c'est sûr, peut-être... c'est très cruel aussi, le temps de l'innocence, mais avec cette forme de sérénité, malgré tout, plus ou moins réelle, profonde, d'Archer à la fin de l'âge de l'innocence. Maintenant, je vais changer mon vocabulaire. Il y a aussi l'idée que si May Archer, finalement, est moins innocente qu'il n'y paraît, parce que elle sait très bien, en réalité, comment naviguer et comment faire en sorte que Archer reste avec elle. Ça veut dire aussi que le personnage, qui est le personnage de la sensualité, la femme de 30 ans, celle qui est censée s'y connaître dans les arcanes à la fois de l'amour et de la société, en fait, c'est elle qui est du côté de la sincérité. Donc, il y a aussi cette espèce d'épingle à cheveux-là qui est intéressante à remarquer, Sarah Foss. Oui, tout à fait. C'est Hélène, c'est vraiment un personnage qui est défini à plusieurs reprise par sa parfaite sincérité, en fait, son incapacité à manipuler l'autre, à l'attirer, à jouer cette carte des artifices qu'on peut considérer un peu féminin, entre guillemets, à être vraiment. Mais moi, j'aurais presque tendance à penser que c'est aussi une éthique très forte chez Hélène, parce qu'il me semble que c'est un personnage qui n'est pas du tout dans la morale conventionnelle qu'on attend d'elle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est relativement en marge de la société, qu'elle ne parvient pas à s'y refaire une place. Elle ne comprend plus rien au code du milieu dans lequel elle revient, mais qui a paradoxalement une éthique individuelle très forte et presque plus exigeante par certains aspects que la morale conventionnelle de la bonne société. Alors, vous expliquez que cette société-là, elle agit de manière collective, bizarrement. La princesse Olenska, Hélène, est une individualité, alors que dans le milieu de la bourgeoisie, comme d'ailleurs dans les anciennes tribus, puisqu'on s'intéresse à cette époque-là au début de l'ethnographie, et Edith Wharton s'y intéresse aussi, ben finalement, entre la haute bourgeoisie new-yorkaise et les tribus entre guillemets primitives qu'on étudiait à l'époque, il n'y a pas tellement de différence. Ce qui compte, c'est la préservation du groupe. C'est la préservation du collectif, et on éjecte tout ce qui n'est pas dans le sens de la meute. Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on sacrifie l'individu quand il refuse de se plier aux règles et aux codes, et c'est valable pour Archer aussi. C'est-à-dire qu'il est forcé de rentrer dans le rang, on le fait rentrer dans le rang. Alors de façon, effectivement, c'est très... comment dire ça, c'était une violence très feutrée, voilà, c'est très subtil, mais en réalité c'est ça qui se passe. Et le premier extrait que vous avez passé de ce grand dîner d'adieu à la comtesse Olenska, c'est une scène qui est absolument impitoyable, en réalité. C'est une scène d'assassinat social. J'ai dit Wolkenstein. C'est d'ailleurs comme ça, je crois, que Scorsese expliquait son intérêt pour ce roman, c'est qu'il y trouvait la même violence, même si l'exécution de Hélène Olenska n'a rien de comparable avec celle des mafieux lorsqu'ils sortent. C'est le parrain 4, mais, en fait. Il voyait dans la manière d'appliquer comme ça une logique du clan et des punitions, enfin les sanctions qui frappent ceux qui s'en écartent, quelque chose de très comparable au milieu de la mafia qu'il tout avait à fait décrit dans le reste de son œuvre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette lecture. C'est lui qui le dit. Oui, nous reste très peu de temps, parce que vous êtes toutes les deux traductrices d'Edith Wharton. Sur son style, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de points de suspension, par exemple, dans les dialogues. Est-ce que ça signifie qu'il y a une difficulté finalement à s'exprimer, un petit peu comme vous le disiez tout à l'heure, Julie Wolkenstein, des personnages de Edith Wharton? Qu'est-ce que, en traduisant, vous avez repéré très rapidement l'une et l'autre? Moi, je crois que ça ne sera pas un trait qu'on puisse appliquer au reste de son œuvre, parce que pour le peu que j'en connais, le style d'Anne Frome est vraiment particulièrement, simple, volontairement simple, dans les dialogues comme dans le reste. Sarah Foss. Alors, au contraire, je pense que dans The Edge of Innocence, c'est assez ample comme style. Et moi, c'est aussi ce que j'ai voulu restituer avec la nouvelle traduction, puisque la traduction qui existait était quand même très ancienne. Hein, elle datait de 1921, c'est-à-dire elle était quasiment contemporaine du roman. Et il y avait une espèce de simplification des phrases en français. Dans la version française, on a tendance à couper beaucoup et finalement à réduire un petit peu un style que je trouvais assez plat et à passer un petit peu à côté de ces phrases qui sont parfois très amples et pour le coup un petit peu proustiennes, pour en revenir. Alors, pas autant, mais voilà, mais il y a quand même cette tendance-là. Donc vous avez redonné de l'amplitude à ce roman. Merci à l'une et à l'autre. Sarah Foss, je rappelle que votre nouvelle traduction de L'âge de l'innocence a paru aux éditions des Belles Lettres. Julie Wolkenstein, votre traduction de Ethan Frome est disponible aux éditions POL. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Travaglichanal, Garance Mazelier et Anthony Thomasson. Demain, suite et fin de notre série Wharton, nous parlerons avec Maxime Rovert de son amour pour l'Italie, de son rapport à l'architecture et d'une Wharton plus érotique. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver Jacques Bonnafé pour ses lectures de poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. N'expliquez pas, je n'ai pas compris. Notre aphorisme pour la semaine veut cogner contre la prétendue possibilité d'informer surtout. Il y a de l'informulable, toujours. Il en faut des réserves, des notes en bas de page pour après. Pourquoi les reprendre entre elles, harmonisées jusqu'au non-sens, telles que nous les propose Benoît Cazaz dans Précision. Et ça donne à la lecture... Précision, c'est chez nous, page 10 par exemple. 4. L'exemplaire contient 2 fleurs séchées. 5. Sensations lointaines déjà saisies, comme des présences de choses absentes. 6. Les animaux seront constamment présents. 7. Le lendemain, les jeux recommencèrent. Page suivante. 8. 100 details. 9. Le titre du poème et cette phrase même. 10. L'auteur prend à tout moment la parole. 11. C'est lui qui incarne le pouvoir de commencer. 12. Par des formules. 13. L'ordre du poème. 14. La succession des noms n'est pas sans signification. 15. Du développement explicite à l'ellipse suggestive. 16. De même, la peau est percée de passages étroits. 17. Le pronostic est souligné au crayon noir dans le dossier clinique. 18. The anxiety of influence. 19. Le poète n'a pas d'identité, il éclaire sans cesse un autre corps. Et ça continue 20, 21, 22, ainsi jusqu'à 2458 notes composent ce précision qui est introduit par cette phrase de Lucrèce. Ils n'ont pas de chemin tracé en poésie. Les lieux par où je m'aventure. Oh, comme c'est beau. On continue, page 31, 150, le désassemblage, 151, pièce en main, 152. On va parler de détails chaque fois que la contemplation se plongera dans les œuvres et les formes, 153. De nombreuses pages des livres de sa bibliothèque constituent de véritables manuscrits, 154. Bien des poèmes, aphorismes ou pensées sont nés dans les marges même des livres, 155. Il n'en repose pas moins sur une hypothèse qui est elle-même une fiction. 156. On y trouve spécialement une distinction cruciale pour ce que nous avançons ici entre logique d'inscription et logique de décision. 157. La valeur d'usage de l'impossible. Et aussi en première page, une citation de Mallarmé, Crise de verre. Toute la langue ajustée à la métrique, y recouvrant ses coupes vitales, s'évade selon une libre disjonction aux 1000 éléments simples. Et si vous alliez à la page 39, 211, l'instrument des fuites, 212, je n'ai pas revu M. Hölderlin, il ne fréquente presque personne, mais vit pour lui seul, pour ses études, et certains ajoutent, pour la mère de son élève qui doit être une femme agréable. 213, scruté avec précision. 214, morsure féminine. 215, vieux dilemme des preuves et des traces. 216 nom de flûte, 217 s'arrêtait court. Merci Jacques Bonafé au troisième jour de vos explorations des terres inconnues de la poésie avec Benoît Cazas.